Et donc c'est la fin de cette séance. Avant de passer au débriefing, il y a un vote que chacun doit faire en fait. C'est en fait on réunit les goupils. Les goupils sont réunis lors d'un concile magique et ils doivent désigner, chacun doit désigner en fait celui comment celui que qui pense celui des clochards qui pense avoir été le plus avoir permis le plus de souder le groupe en fait, avoir été le plus moteur pour la bande, et ils doivent aussi élire le clochard qui d'après eux va quitter le plus rapidement la bande en fait, qui serait le plus enclin à partir de la bande à partir de maintenant. Alors c'est juste une opinion en fait, c'est ce qu'ils pensent, hein. C'est pas forcément ce qui va arriver. Du coup, je vais commencer par Attends, parce que en fait là, il faut pas qu'on donne le point de vue de notre personnage, c'est un mais le peu point de vue le point de du vue du goupil goupil quoi. Ouais. qu'on a joué. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin bon, c'est sans doute assez comme ça a un peu un point de vue de joueur et de personnage, mais c'est par la voix du goupil que ça s'exprime quoi. Donc bah tiens, du coup, comme c'est toi qui poses la question, d'après toi, Goupil Peggy, Ben comment justement, c'est compliqué parce que c'est pas du tout pareil si je me mets dans la position du personnage ou du goupil, puisque j'étais le goupil de Volsung en plus. Je pense que bah, de toute façon là c'est toujours du test, les votes c'est d'ailleurs c'est la première fois que je le fais vraiment. Dans ma tête c'était les goupils qui se réunissaient, donc c'est à le point de vue du goupil quoi. Oh ben, en tant que goupil, je suis très fière de lui. Après, pour la cohésion de groupe, je suis pas sûre, mais... La blague. Mais du coup, après, le goupil, il peut trouver intéressant. Il peut. Du coup, je repose la question. Bon, bah, est-ce qu'il pense, d'après toi, Goupil, quel est le clochard qui va quitter la bande en premier? Sachant que tu peux pas voter pour toi-même, en fait. Geek. Ok. Et d'après toi, qui est du coup entre Théophraste et puis Belette, lequel a le plus cimenté le groupe? Théo, parce que on cimente bien un groupe dans un bain de sang. Ok. Bah tiens, du coup. Théo. Ben, Goupil Théo. D'après toi, quel est le clochard qui va quitter le groupe en premier? Belette s'est réveillée avec, comment dire, avec des morceaux de croûtelle entre les dents et entre les ongles. J'ai envie de dire que ça change un homme. Ouais. Et d'après toi, C'est qui a bon, si si ça va. du coup de Is et de Dick qui cimentent le plus le groupe, d'après toi? C'est pas facile. Je dirais, enfin, je repense à comment dire la petite séance avec les fourmis entre Belette et Is. Du coup, je vais donner mon vote à Is, mais d'un cheveu, parce qu'après, Dick a pris certaines décisions. Ok. C'est un moment de complicité entre les personnages. Du coup, je décide Is. Ok. Alors, merde. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu dans mes trucs. Théo Isbelette. Du coup, Goupil Fabrice. Dis-moi, d'après toi, quel clochard va quitter le groupe en premier? Je peux pas me choisir moi. Non, tu peux pas. Ben, moi aussi, je dirais peut-être Théo, suite aux événements qui sont déroulés. s'en rappellera pas, tu sais. Ok. Mais peut-être qu'on va quand même le pousser vers la porte. C'est difficile à dire, oui, après c'est un jugement de valeur. Et du coup, entre Is et Dick, qui est-ce qui a cimenté le plus le groupe? Ouais, il faut que je pense au niveau du goupil, du coup. C'est même si un peu acrobatique. Celui qui a le plus cimenté le groupe. J'irais peut-être Dick par son caractère très particulier qui fait que les gens se positionnaient un peu par rapport à lui. Ok. Et donc Goupil Philippe, Bien. d'après toi, quel clochard va quitter le groupe en premier? Est-ce qu'on peut désigner le même pour les deux votes? Qui a le plus cimenté et qui va quitter? Bah, je pense qu'il faut... Ouais, si tu peux l'expliquer peut-être. Ben, pour moi, c'est Théo pour les deux. Et pourquoi? Qui a le plus cimenté parce que on a tous manifestement une affection pour lui. Le fait qu'il soit un être simple, c'est un peu notre enfant, quelque part, j'ai l'impression. Et la situation dans laquelle on se retrouve, ben, c'est à cause de certaines de ses actions, où on a tous suivi pour le protéger. Mais là, il vient de révéler visiblement à Is et à Dick, tandis que ce que Belette a fait, ça reste caché pour le moment. Il vient de révéler visiblement à Is et à Dick des choses un peu inquiétantes quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Eh ben tiens, c'est assez marrant parce que du coup, le personnage, enfin, celui qui a eu le plus de... Théo a eu deux votes pour quitter le groupe. Et il est donc deux, donc du coup, tandis que Dick et Belette ont eu un vote. Et ça fait qu'il y en a un qui est même pas prévu pour quitter le groupe, c'est Dick Belette. Is, ouais, donc Is serait plutôt à rester dans le groupe. Et il y a eu deux votes aussi pour Théo pour souder le groupe. Tandis qu'il y avait eu un vote pour Is et un vote pour Dick. Personnage ambivalent. Oui, des personnages Alors, complexes. c'est le totem d'immunité ou je dois remettre mon flambeau là? Alors, il y a en fait effectivement pour le comment? Pour celui qui cimente le groupe, il gagne un as de pique. Et puis pour celui qui comment? Pour celui qui est menacé de quitter le groupe, il peut se rajouter soit une nouvelle pureté, soit une nouvelle pourriture à son choix en fait. Non, autant pour moi, je pense que ce qui était plus intéressant, c'était pas ça. C'était plutôt celui qui était menacé de quitter le groupe, il gagne soit un nouvel objectif de survie, soit un nouvel objectif d'abandon. Du coup, en fait, Théo, toi, tu gagnerais la totale, c'est-à-dire un as de pique et un nouvel objectif de survie ou un nouvel objectif d'abandon, quoi. Je saurai quoi en faire si la série est financée. Ok. Alors, du coup, une fois que le vote est terminé, on a comment Ah si si, remarquez autrement, bon, il y a un dernier truc, c'est que les goupilles aussi doivent voter pour autre chose. Ouais. Ils doivent voter pour le comment le décor ou le figurant qui fait désormais partie du passé du groupe. Qui d'après eux ne sera plus ne réapparaîtra plus. Et ils doivent voter pour le décor ou le figurant qui s'avère en fait le plus crucial pour le groupe. Je crois que Croutel, on va pas la revoir. Pourquoi? Comment ça, on va pas le revoir? Plaisir laisse non plus. Ça nous laisse brioche, ça nous laisse la petite sœur et ça nous laisse L'asiatique. ouais. Il y a le petit frère qui est passé en flashback aussi. C'est le décor aussi, ça peut être aussi être un Ça peut décor. être aussi un Ça décor. peut être l'arbre Ah. pendu. Ouais, Ah, l'arbre ou ou l'auberge le, campanile, l'auberge du l'hôpital. Campanile, elle est inoubliable là, hein, vu ce qu'on Oui, a mais je vécu. pense qu'on va pas y revenir de sitôt. Bah, peut-être Ouais, qu'on voilà, n'aura pas le c'est choix. plutôt. Comment. C'est plus Je dirais que procédural, c'est non? plutôt un décor ou un figurant qui va être crucial à l'avenir, quoi. Il y a les expiatistes aussi. Ouais, ça peut être une idée. Ouais. Moi, je pense que l'auberge Campanile, c'est le genre d'auberge que tu retrouveras sur ta route, quel que soit l'endroit où tu vas, quoi. Ah ouais, une auberge fantôme qui se déplace, quoi. Voilà. Ouais, parce que l'arbre pendu, effectivement, c'était intéressant, mais on l'a pas beaucoup exploité. Il y a On le l'a missile soigneusement aussi. écarté, on l'a soigneusement contourné en fait, alors qu'il y avait vraisemblablement des gens de notre tribu qui étaient pendus à ses branches, mais Ah oui, au lieu c'est de vrai. ça, on a joué la sécurité, on est allé tranquillement dormir avec un toit au-dessus de nos têtes, et voilà. Qu'est-ce que ça aurait été à l'arbre pendu, putain? Ça se trouve, ça aurait été calme, tout le monde était mort là-bas. Il y avait Ouais. un... Et c'est vous qui avez choisi Cauchemar, hein? Ah oui, c'était totalement prémédité. Mais c'est le côté voiture volée, je sais pas, dès que tu es dans 1000 volts, t'as envie que t'as tout pète à la fin. Il y a le missile aussi comme élément qui peut revenir. Oui, c'est vrai qu'il a pas pété. Ah, il est aux mains des Asiatiques. Ok. Bon, donc voilà, ça c'était le vote là. Je suis content parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire les votes. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour me consacrer encore un petit peu de temps pour débriefer? Avec grand plaisir. Ah, Bien foutu sûr. pour foutu. Peut-être Fabrice, tu voudrais commencer en premier vu que c'est toi qui vas te lever le plus tôt demain matin. Oui, c'est vrai. Ouais, mais j'aimerais bien écouter le débrief en fait. Donc, comme Puis, le matin, tout à l'heure, quoi. après, tu peux toujours commencer, et puis tu vois, parce que bon, on va essayer de pas dépasser une demi-heure, mais bon, je veux pas. Peut-être qu'il vaut quand même mieux que tu commences, non? Sauf si vraiment Ouais, t'as je besoin peux d'écouter commencer. les autres avant. Non, non, non, pas forcément, non, je peux commencer, y a pas de souci. Attends, je vais juste sur. Oui, ok. Bah, je t'écoute. Ok. Le débrief, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mon ressenti sur la partie déjà, j'ai démarré, j'avais pas ma fiche, j'ai continué à faire ma fiche en même temps. Ouais. C'est pas forcément facile pour la concentration. Je crois que ça nécessite aussi pas mal de concentration de la part des joueurs. De l'expérience que j'avais eue, sortir ces petits mots là, ces petites feuilles, c'est assez utile pour créer de l'histoire. En virtuel, c'est pas très commode. C'est vrai qu'en réel, ça peut aller très vite, mais en virtuel, c'est pas forcément très commode. Il y a une chose que j'avais ressentie quand j'avais mené, c'est que t'as tellement de trucs au début que t'as des difficultés à tout utiliser. J'ai vu que Peggy avait pas mal utilisé son lien, par exemple, enfin ou ses liens, de manière générale. Mais moi, par exemple, je les ai assez peu utilisés parce que j'avais tellement d'infos. Une chose que j'avais remarqué sur le goupil, je trouve, enfin c'est un ressenti, mais que le MJ devrait pas faire goupil en fait. Tu m'expliques? En fait, je trouve goupil c'est un rôle un peu particulier par rapport aux joueurs, et c'est comme si le MJ faisait son boulot deux fois en jouant le goupil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que par moment j'ai proposé des prix, il y aurait mieux valu que je m'abstienne, c'est ça que tu veux dire? Si je suis pas sûr en fait, est-ce que tu as joué un goupil normalement, t'en joues un, non? Non, j'en joue pas, hein. Ah d'accord, C'est-à-dire que je réexplique vite fait la règle. ouais. Si comment il y a un perso qui veut faire un truc. Si le MJ peut dire que ça va être difficile, qu'il y a un prix à payer. Auquel cas c'est le goupil qui annonce c'est quoi le prix à payer. Ou inversement, mais je crois que dans cette partie ça s'est pas produit. C'est le comment le joueur peut faire un truc et c'est le goupil peut dire qu'il y a un prix à payer. Et là, c'est le MJ qui définit quel est le prix à payer. Ouais, je vois, ouais. Non, c'est juste des fois j'avais eu le sentiment que c'était comme si tu jouais le goupil, effectivement, vu que c'est un rôle un peu similaire des fois. Ouais, je sais pas, je sais pas, il ouais, faudra voir. Enfin, c'était juste un ressenti que j'avais comme ça. Que dire d'autre? Je regarde un peu par quoi on est passé. Le truc du dépôt, je me suis aperçu, j'avais un truc bien gore que j'avais filé à Peggy en dépôt. Je sais pas si c'est un truc qui est habituellement assez souvent joué, mais je crois qu'on l'a jamais joué par exemple, on l'a jamais utilisé. C'est le dépôt d'un autre. Ça aurait pu être intéressant. Après, souvent les trucs sont joués quand ils finissent dévoilés, quoi. C'est-à-dire que vous avez dévoilé pas mal de trucs en cours de jeu, mais ça, c'est pas venu sur la table, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est dévoilé, mais qui a quelqu'un et que quelqu'un d'autre a. Du coup, c'est peut-être une mécanique un peu. Normalement, c'est fait pour jouer sur la longueur aussi et que. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est, de toute façon, c'était sûr qu'on n'allait pas. C'est fait pour que tu puisses pas tout utiliser lors de l'épisode pilote, quoi. Bon, on a utilisé déjà pas mal de trucs, hein. Ouais. Ouais, je pense que c'est quand même pas mal de choses qui sortent quand même. C'est vrai que le pilote a pas mal de choses qui sortent en général. Mais pas 100% normalement. Ouais, de toute façon, on n'avait pas toujours tout écrit. Et oui, enfin, je vais laisser les autres parler, de toute façon, on sera certainement amené à discuter au fur et à mesure que d'autres débrieferont. Je trouve que démarrer avec tout, moi je l'avais fait la dernière fois, avec les 20 plus, tu vas voir, je sais pas, une petite dizaine d'éléments. C'est pas 20 plus 10, hein. C'est Ah, 20. si, c'est ça, c'est 10. Il y en a 10 en tout. Je sais plus, on a 10 ou 15, mais enfin c'est 20 au total en comptant les trucs imposés, hein, donc c'était 20 maximum, quoi. En comptant les trucs imposés, parce que moi, de ce Ouais. que j'ai compris de la règle, en fait, attends, je sais pas si je l'ai là. Juste 2 minutes. T'as compris que c'était 20 plus les trucs imposés? Ouais, parce que je crois que Oh, tu mets. misère! T'as écrit tout ça? C'est le travail d'Hercule, quoi. Non, j'en étais vachement loin, mais Ah oui, quand ok, j'avais fait tester le jeu, j'avais fait ça, attends. Ah C'est ouais, non. Ouais. une relation, peuvent se fusionner. Enfin, je sais pas, j'essaierai de retrouver J'ai tout à mal l'heure, mais. réfléchi. Hein. Ok, moi je note que tu as compris ça. Donc c'est à moi de voir dans ma rédaction de voir si je peux pas rédiger autrement, tout Ou simplement. si c'est vraiment moi qui ai mal compris, ou si y a quelque chose. Non, dont celle-ci. Ou alors c'est peut-être l'autre, ou. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un truc que j'avais en mémoire de la dernière Voilà. fois. Ouais, 20. Ouais. Mais je pense, enfin, ne serait-ce qu'en construire. En construire certains en cours de route, ouais, je pense que c'est plus ou moins essentiel parce que trop d'infos tue l'info, je crois. Et ouais, dernier petit détail, je sais pas comment tu faisais toi. Mais le truc, c'est qu'en vrai, tu poses des post-it et tu les mets en sens en cachet, quoi. Le petit détail, quand tu fais comme ça, bon, c'est un point de détail, hein, ça correspond pas forcément à la partie d'ailleurs. Mais c'est que tu t'en souviens pas forcément de tout vu qu'il y en a beaucoup, quoi. T'es obligé de regarder comme ça. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est voulu. C'est censé, comment, c'est censé schématiser le perso qui lui-même se rappelle pas bien de sa propre identité et du coup oublie des trucs sur lui-même et les redécouvre au fur et à mesure. Ouais, c'est sympa ça. Voilà. Sinon, ouais, c'est un jeu qui m'a pas mal intéressé. Il m'intéresse encore plus maintenant avec les petites chose que tu as mise sur le fait la pureté ou l'horreur là je sais plus justement la La pourriture pourriture, ouais. voilà, ça donne beaucoup de relief le fait qu'il y ait des choses aussi positives quoi enfin vraiment qui t'incite à axer des trucs positifs sur le personnage quitte même si c'est pour les détruire après quoi voilà même si moi en tant qu'MJ ça m'intéresse pas parce que j'ai besoin d'être créatif en tant qu'MJ quoi enfin que qu'il y ait du ping-pong entre moi et les joueurs. Et je trouve, enfin pour reprendre le propos de Volsung tout à l'heure, c'est peut-être un. Le joueur est peut-être trop spectateur pour moi. J'ai vraiment besoin que ça se balance d'un côté et de l'autre, quoi. Voilà. Ok. Au suivant. Hop, qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Je t'écoute, Peggy. Bah, moi, ça m'a intéressé de tester. Est-ce que je t'avais entendu parler du jeu sur un podcast et le côté création de perso avec les post-it m'intriguait pas mal. Donc, je trouvais ça vachement intéressant, même si j'ai trouvé l'exercice assez difficile. Au début, j'ai un peu bloqué en relisant tout plusieurs fois. Et puis, même si tu es dans le jeu, tu te dis, mais est-ce que je suis dans ce qu'on me demande? Est-ce que tu as toujours une espèce de moment où tu te demandes si tu es dedans ou pas et si tu es en train de faire ce qui est demandé, quoi. Et puis après, tu commences à jouer et puis il y a tous les petits papiers qui sortent. Quoi, moi, il y en a plein, il y a plein de choses que j'avais mis qui sont sorties hyper facilement et ça a un côté vachement magique, quoi. Quand Volsung, il commence à raconter son histoire et que moi, j'ai exactement ça dans mes feuilles, Et ça, j'ai pas c'est d'explication, mais clair, ça quoi. arrive souvent en plus. Parce que c'est vague aussi, je pense, peut-être aussi. Ouais, peut-être, du coup, peut-être le fait d'insister sur de n'écrire que quelques mots, en fait, peut-être. Ouais, c'est ça, mais j'avais mis un truc justement assez vague où je savais pas du tout où ça allait mener, mais ça tombait parfaitement, quoi. C'est pareil, je balance le truc des fourmis et puis toi t'embrayes dessus. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait, ça me fait triper, quoi. D'avoir que les petits éléments que t'as, avec lesquels t'as construit ton perso, ils prennent vie dans l'histoire. Je trouve ça vraiment, ouais, c'est trippant, quoi. J'ai bien aimé aussi le goupil. Je trouve ça vachement sympa la manière d'interpeller l'autre en lui disant mon ami et puis de glisser une petite suggestion comme si t'étais le petit diablotin sur son épaule et que c'est vrai que des fois dans des parties de jeu de rôle t'as d'autres joueurs qui commencent à faire des trucs et toi t'aimerais bien les pousser un peu à aller plus loin et t'as pas moyen de le faire et là c'est exactement ça quoi. Ouais, ça c'est vraiment un côté amusant. Et moi, je veux la suite maintenant. Parce que du coup, ouais, en one shot, c'est frustrant là pour le coup. Alors, le pire c'est que honnêtement je sais pas si je peux t'offrir une suite parce que c'est Oh, ben, je pense qu'on est parti peut-être un peu trop dans le gore pour qu'il y ait une suite, mais Ah bon, on a de cramé pas mal de façon. cartouches là. De quoi? On a Ah cramé pas mal de si, si, cartouches là. si, je pense qu'il y a moyen de... Ah si, si, il y a moyen de rejouer une suite là, je pense, hein. Mais Après, en c'est tout vrai cas, que, ouais, il y a quand même un perso qui, il y a quand même deux persos qui sont passés à l'acte dans la violence, donc ça rend les choses compliquées quand même. C'est vrai que rien que ça, pour la cohésion du groupe, c'est un peu acrobatique, mais bon, ça peut se faire quand même, je pense. moi, ouais, ça m'aurait plu de continuer et de continuer à booster les relations entre les personnages, quoi. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je note, hein, j'essaie de noter les trucs. Hop, Ah, j'ai peut-être été trop vite, je suis désolée. Trop quoi? Trop vite? Non, non, c'est bon, Tu quoi. sais, c'est enregistré, donc enfin, il pourra Oui, pas trop prendre aussi, notes. vrai. Ok. Philippe ou Volsung, n'importe. Hein. Comme tu veux, Phil. Bon, Vas-y, je ouais. fais. Ok, ben moi comme d'hab, je suis toujours très friand de l'univers de Milvaux. Et puis ton phrasé et ta façon de peindre des images très très vivaces quoi, enfin bien intenses. Après pour ce qui est de, bah, on l'a vu au début, hein, j'ai un peu paniqué avec mes 20 mots à pondre, mais c'est pas propre à ce jeu-là. Moi en général, quand t'as énormément de liberté, quand j'ai l'impression d'avoir un devoir à faire, ça me fait paniquer. Hein. J'ai eu les mêmes capotages lors d'une partie de Smallville où il fallait définir pas mal de choses à la volée. Juste pour nuancer ça, normalement je vais faire des tables aléatoires en fait. Donc tu pourras tirer en fait des bouts de perso au hasard. Mais c'est clair que là j'ai pas eu le temps de les faire. Enfin, ça n'existe pas encore quoi. Mais ça devrait sortir de terre un jour ou l'autre. Ok. Table aléatoire, ça pourrait être amusant. Ouais. Ça, tu tentes de faire quelque chose de cohérent avec ce que tu obtiens. Après, ouais, je pense qu'il faut que tu insistes sur ceux qui perdent un petit peu de vue le jeu, la tête dans le guidon, que effectivement, tu te crées une petite poignée de mots et dès que la partie commence, très vite, ça. Les autres mots viendront, quoi. Ouais. Je pense que c'était peut-être que on aurait eu on aurait su cette vérité, on aurait peut-être pu enchaîner un peu plus tôt. J'ai pensé à un truc pendant qu'on crée les persos. Il faudra peut-être que j'essaye. Ça aurait été de. En fait, plutôt que dire il y a une limite de 20 mots, des choses comme ça, en fait, au début de la création de perso, on se met d'accord sur un temps de création, genre on crée les persos en 10 minutes, ou on les crée en une demi-heure, ou on les crée en une heure, n'importe. Et vraiment, on s'y tient, en fait. C'est-à-dire que quand la cloche sonne, Tu eh relèves le ben, copier. on pose les stylos et puis on joue avec ce qu'on a fait, quoi. Parce que c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est que ceux qui traînent, bah, ils se sentent pas fort. Tu te sens un peu mal à l'aise, ça fait un peu, ouais, vas-y, je suis mauvais élève, je retarde le groupe parce que je mets plus de temps à écrire mon perso. Du coup, celui qui a écrit son perso plus vite, limite ennuyé. Et puis, de toute façon, pour celui qui a du mal, on fait juste que de prolonger le supplice, entre guillemets, quoi. Donc, peut-être, faut que je vois, mais peut-être que l'idée de le groupe se met d'accord sur un temps, et puis vraiment, on s'y tient, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. C'est Après, nécessaire. Ouais. un petit truc caractéristique du virtuel, c'est qu'on se sent obligé de meubler le silence tout le temps. Ouais. Qui n'aide pas. Mais oui, un temps Bah, je limité, te ça peut être rassure, bien. en table à arbres séparés, puisque c'est. Ouais, bah C'est nous, vrai on que avait bon, mis plus c'est une de. création perso un peu intime où on crée son truc dans son coin. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile de pas se sentir obligé de meubler effectivement le silence. Pour le coup, il y a pas mal de hangouts où moi je suis plus rassuré quand certaines choses sont déjà entamées avant la session, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et peut-être que vu qu'on découvre les personnages dès la première minute de jeu, peut-être qu'on aurait effectivement gagné à faire nos devoirs un petit peu avant que la partie commence effectivement. Ouais, mais c'est vrai que c'est chaud de définir les persos à l'avance. J'y ai un peu pensé, puis j'avais renoncé comme ça en me disant qu'on n'allait pas réussir à se coordonner. Peut-être que j'aurais dû un peu plus insister, je sais pas. C'est pas faux, parce que c'est vrai que le côté self-harming est venu du groupe. On a déjà défini. En premier, on a Ouais, défini. voilà. Ouais, j'avais oublié ce détail, ouais. On avait, ouais, ça devient un problème. Bon, après, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est le problème du hangout. Sur hangout, on aurait pu en causer par écrit avant que la partie soit lancée. Mais bon, là, il faut qu'on oublie le côté table virtuelle et qu'on se projette sur le côté table. Imaginez le jeu sur une table réelle, quoi. Table concrète. Bah, moi concrètement, moi j'avais fait trop de post-it aussi. Si j'ai mal lu les règles, mais on avait mis plus de 2 heures et il y avait un joueur qui était vachement timoré. Et Il a dû souffrir quoi un petit peu alors. Comment dire, en fait, je crois qu'il était très habitué à jouer des psychopathes, purs psychopathes dans les jeux d'horreur. Et on a mis beaucoup de temps à faire des liens entre les persos, à nuancer un peu son truc. Peut-être que les nouveaux concepts de pureté, de pourriture, de défaut, de protection, justement, offrent plus une nuance au truc. Ouais, ça c'est un truc que j'ai apporté parce que j'avais quand même des joueurs qui avaient tendance à faire, remarque, ça correspond bien au jeu, ce qu'on appelle des murder hobos. Hein. Tu sais, c'est les murder hobos, c'est une caricature de perso. C'est-à-dire le clochard meurtrier, le clochard psychopathe, serial killer, quoi. Où en fait, tu te crées un personnage qui n'a aucune attache, qui tient à rien, pour que, bah, en fait, pour que l'MJ n'ait aucune prise sur lui. Généralement, si tu joues en horreur, tu te sers de ce, tu fais un personnage psychopathe pour échapper à l'horreur. Et puis, si tu joues dans enfin bref, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que je voulais éviter qu'on puisse créer des meurtres de robots. Et dans les premiers playtests, j'en ai eu quelques-uns et ça me plaisait pas trop. Ouais, et puis aussi, je crois que c'est important, c'est avoir, surtout en campagne, en fait. T'sais, avant Arbre, je me dis 4-5 séances, c'est mort. Et là, en lisant ça, j'ai l'impression qu'on peut faire plus parce qu'on peut vraiment lui donner des couches, en fait, avec ce nouveau concept, quoi. Il y a aussi une chose que je commence à développer, en fait, et un concept qui me paraît important. C'est le fait que. Bon, j'aime beaucoup, hein, les questions d'Apocalypse World. S'il y avait une chose que je sauverais de ce jeu, c'est bien ça. Et là, l'idée, c'est de le systématiser, en fait, par le phénomène que les PNJ sont très curieux, posent beaucoup de questions, et à cause du syndrome de l'oubli, en fait. Et je trouve que c'est intéressant justement de, tu vois, comme le personnage de Philippe, il y a un moment je l'ai pas mal bombardé de questions parce que je voulais un petit peu voir s'il y avait plusieurs couches, quoi. Ne Il y en serait-ce que a. comprendre les motivations qu'il pouvait avoir, quoi. C'est sympa comme scène. Bon, c'est à mon tour du coup. Oui, Alors, d'abord, je me suis bien amusé, c'est quand même plus important. oui, c'est l'essentiel, je dirais même, oui. Sur la création, moi, j'ai pas eu de problème du tout. J'ai en général le problème quand je pense à un perso dans la plupart des jeux de rôle que j'ai pas assez d'éléments mécaniques pour pouvoir caser tout ce que j'ai envie de mettre. Et 20 post-it, j'étais presque pas à l'étroit, donc c'était bien. Et j'ai eu assez facile à les remplir tous. Donc pour moi, ça n'a vraiment pas bloqué de ce côté-là. Au niveau du jeu en lui-même, il y a un truc où je m'interroge et qui m'a un peu frustré, c'est le jeu au tour par tour. D'une part, bon, c'est peut-être adéquat pour un jeu qui tend vers l'horrifique, sur le fait que entre deux de tes tours, la situation dans le monde de Millevaux peut avancer très très vite, et comme c'est pas ton tour, t'as pas de prise dessus. Alors il y a des moments où on a un peu amendé ça en intervenant, en s'intercalant dans les tours des autres, en disant pendant qu'il fait ça, moi je réagis comme ceci. Mais c'était pas très clair pour moi de est-ce qu'on peut le faire ou pas. Donc là, je m'interroge, mais je pense que c'est plus une question de clarté et d'explication de règles qu'autre chose. Je fais un bref retour en arrière sur la création de personnages. Il m'a fallu un bout de temps pour comprendre que les 10 exemples de types de feuilles étaient des choses obligatoires. En fait, je pensais au départ que c'était juste les 4 premiers qui étaient obligatoires. Je ne sais pas pourquoi j'avais compris ça. Non mais si si non parce que c'est moi qui l'ai dit mais ça se trouve sur la feuille c'est écrit que c'est... Attends. Oui, Oui, c'est y a pas de marqué que souci. c'est Ouais, contre le c'est un site. feuille. En fait, c'est comme c'est écrit, ça a l'air obligatoire, mais j'ai beaucoup hésité. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était important que, si tu veux, tous les trucs obligatoires soient mis au moins un maximum, parce que je trouve que j'ai essayé de les penser pour qu'ils orientent le jeu. Et en même temps, lors des créations de personnages, je vois bien qu'il y a des joueurs qui rament pour tout remplir. Alors c'est vrai qu'à chaque playtest, j'hésite entre... Et donc là, j'ai un petit peu improvisé lors de cette création de personnages en disant, ouais, bon, bah les quatre premiers, il faut absolument les mettre, et les autres, c'est facultatif. J'avoue que je suis très emmerdé. J'arrive pas à me décider, en fait. J'arrive pas à me décider sur savoir ce qui doit être obligatoire et ce qui devrait être facultatif. Ça dépend peut-être du mode dans lequel on va jouer. Je crois que c'est dans Weaving, il y a un truc comme ça, tu sais. C'est genre si tu veux juste tester un one shot démo, tu peux utiliser ça. Si tu veux un truc un peu plus long, tu peux en utiliser plus. Et si tu veux vraiment le mode campagne fouillé, tu utilises tout, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Je sais C'est que vrai que... j'y avais réfléchi à une époque. Sinon, tu dis qu'il faut en prendre au moins 4 dans la liste ou quelque chose comme Voilà, ça un truc aussi. comme ça. Mais je pense que la relation et ou l'objectif relationnel sont importants quand même. Ouais, c'est vrai qu'à la limite, s'il fallait sauver deux choses, c'est ça, ouais. Les relations, parce que là, j'ai voulu. J'ai... Les relations, puis les objectifs, parce qu'un personnage sans objectif. Ça peut être assez ennuyant, même si en fait j'ai aucune idée de si vous avez joué aux objectifs, en fait, j'en sais rien du tout. Techniquement, je l'ai pas fait. Moi, il s'accrochait à des souvenirs positifs de sa tribu, il voulait la retrouver. Mais je pas, comment dire, en doudingue qui s'émerveille de tout, j'ai joué tout sauf ça, quoi. Donc moi, ça m'a guidé, mais je l'ai pas vraiment joué. Oui, Moi, c'est comme ça que je l'exprimerai aussi. Moi, j'ai joué, mon objectif de survie, c'était de rester ensemble. Ah ah. C'était toi qu'il fallait mettre comme, comme à mieux valoriser la cohésion du groupe. Ah, vous avez mon corbusier sur le mauvais cheval. Et alors, le dernier truc sur lequel je veux dire, j'accroche un tout petit peu, c'est au niveau du goupil. Je me retrouve le cul entre deux chaises. Quand je donne un prix à payer, je me sens, je veux dire, en tant que meneur de jeu. Et je cherche qu'est-ce qui va provoquer le plus de drames, qu'est-ce qui va être le choix le plus difficile qui va être équilibré avec le vœu. Ouais. Mais quand je suggère des choses, j'ai envie de faire du roleplay, j'ai envie de donner une personnalité au goupil vu qu'il peut y avoir un dialogue. Et je regrette presque qu'on n'ait pas une création de goupil. Et propose-t-il de goupil Moi, quand il y a eu le prix à donner, j'ai pas su le faire non plus. Mais par contre, souffler et suggérer, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que. Bon, je sais pas. Alors, je sais pas si je vais garder le fait que Goupil donne le prix à payer, parce que ça donne un côté peut-être un peu trop, justement, narration partagée qui tombe un petit peu à plat dans le cadre de jeu. C'est vrai que à tout prendre, je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait que le ce qui est, c'est, ben, ce que j'ai le sentiment qui intéresse le joueur, c'est le fait de pouvoir parler à son ami, quoi. Ça, c'est un truc qui plaît. Et peut-être que effectivement, au niveau de la résolution, le goupil pourrait se contenter de suggérer, de dire ah bah là il y a un prix à payer parce que quoi, mais sans pas mais pas avoir la partie où il donne lui-même le prix. Peut-être qu'il pourrait donner l'avantage parce que là c'est en termes de partage de narration, c'est moins ça paraît moins moins bizarre quoi, sachant qu'en plus vous l'avez pas utilisé, enfin prendre l'as de pique, c'est pas quelque chose que vous avez utilisé. Non. Au niveau de la règle de l'as de pique, d'une part, avec l'idée qu'on joue en guidant son personnage vers l'abandon, quand même, l'idée de refuser le prix à payer est un peu contraire à ça. Pour moi, en tout cas, dans les prix à payer qui ont été proposés. Et j'ai presque envie de faire un abus de règle et de formuler à un moment donné un vœu en fait que je ne veux pas, ou jouer le contraire et obtenir hélas de pique et l'inverse du vœu formulé. Ah ouais, j'ai jamais pensé qu'on puisse jouer comme ça. Ma foi, je ne sais pas si c'est possible. Hein. J'ai pas essayé de pousser la règle dans ses retranchements. Peut-être que c'est trop visible en jeu, c'est très possible, mais je sais pas. Bon, ça pourrait marcher le bluff, mais. Mais c'est vrai que j'y aurais jamais pensé. C'est à voir si c'est une façon de jouer qui serait intéressante ou si au contraire c'est clairement ça fait exploser le jeu. J'en sais rien du tout. Et alors une information qui n'a rien à voir avec le jeu mais avec la partie. Le personnage que j'ai joué quelqu'un que je connais. Donc, ce personnage étrange existe réellement. J'allais te poser la question. Parce que tu l'as déjà évoqué dans une autre partie, comme quoi des fois tu recyclais des concepts. Et, oui. Donc ici, mais souvent je recycle des concepts de personnages d'un jeu à l'autre. Quand j'ai un personnage qui me plaît bien, je le fais en plusieurs versions. Ça me parle. Mais ici, j'ai fait autre chose que je fais de temps en temps. Quand je cherche un personnage, je pense à quelqu'un que je connais soit personnellement, soit parce que c'est un personnage dans les médias, etc. Ici, c'est quelqu'un que je connais vraiment assez bien. Mais c'est marrant parce que je trouve que, je sais pas si c'est lié à ça, mais ça lui a donné du relief, et notamment et des réactions un peu assez crédibles, notamment quand il s'est énervé à cause de l'anniversaire. Je trouvais que c'était un moment de jeu assez intéressant parce que on a envie de savoir pourquoi ça l'énervait, puis en même temps On connaît tous quelqu'un qui déteste les anniversaires, quoi. Ouais, c'est vrai, c'était très, très parlant. Moi, quelque part, les gens qui ont un caractère impossible, c'est les plus faciles à jouer. Après, l'idée, c'est toujours, ouais, toujours de jouer des personnages qui soient, bah, qui sont multipolaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, qui restent un peu attachants. Le risque, en fait, dans ce jeu, c'est de jouer un personnage qui soit antipathique du début à la fin, quoi. Et le concept du vote en fin de partie, c'est notamment pour permettre aux joueurs de comprendre, bah, tu vois, on a Théo qui est désigné comme étant le personnage qui pourrait quitter le groupe. C'est une façon d'orienter Volsung, peut-être, si on devait rejouer. Il sait que, ah ouais, ok, vu comment je me suis comporté dans le jeu, on pense que c'est moi qui vais quitter le groupe en premier. Comment je pourrais développer mon roleplay pour revenir un petit peu plus dans l'axe, quoi. D'accord, je piétinerai plus les gens. Par exemple, tu vois. Et du coup, ça peut être intéressant, parce que si tu vois, on a par exemple un personnage qui sait que si s'entête dans la psychopathie, bon, bah, il va clairement se faire virer du groupe, ou en tout cas, soit il se fait virer, soit finalement, ça va être une réaction de roleplay ultra logique, de lui-même partir, quoi. Et il sait que du coup, s'il veut rester dans le groupe, il va devoir lutter contre ça. Ça fera un personnage qui aura, tu sais, un côté, il va jouer une rédemption, donc ça va être intéressant, quoi. Et l'idée, c'est de mettre en place dans le jeu, comme dans le flipper, des bumpers qui t'empêchent de sortir du jeu, en fait, qui te font remonter dans le jeu. Bon, après, je sais pas du tout si c'est efficace, mais bon, c'est l'intention derrière certains mécanismes du jeu, quoi. Bah, notamment les divers post-it, et le fait que la plupart, toutes les feuilles imposées sont en couple opposé, quoi. Et puis le fait du vote à la fin de la partie aussi, quoi. Et également, qui joue office de bumper, c'est la règle qui fait que si tu rejoins une communauté ou si tu pars en solo, tu perds ton perso, quoi. C'est également un bumper, quoi. C'est tout à fait légal comme décision de roleplay. Tu peux quitter le groupe, mais tu sais que si tu le fais, tu perds ton personnage, quoi. Et est-ce que le jeu prévoit d'en récupérer un tout de suite ou Oui, bien sûr, si tu perds ton personnage, tu en recrées un, quoi. Mais avec sachant, on sait que ça prend du temps, quoi. Mais ça prend. Et toi, du coup, t'es obligé de prendre 20 minutes pour refaire un nouveau perso, quoi. Okay. Il y a quand même du coup une petite sanction. Tu sais que tu vas devoir passer le temps à refaire un perso, puis bon, tu perds un perso auquel tu t'étais attaché, quoi. Ou alors tu te récupères dans un autre jeu pour jouer la vie dans la communauté. Ouais. C'est une bonne politique, ça. Et sachant que si le groupe peut splitter aussi, dans ces cas-là, on suit le groupe qui a la majorité. Et s'il y a égalité, je sais plus comment on fait, je crois que pas, moi j'ai pas décidé, mais si le groupe s'était séparé en deux égales, je sais pas comment on aurait fait. Ceux qui ont plus d'as de pique. Ouais, je pense que les as de pique auraient servi à savoir, effectivement, ça aurait été comme un conflit. Ouais, effectivement, parce que les as de pique permettent de gagner des voix. Pour revenir sur ce que t'as dit, Philippe, moi-même, le tour par tour, bon, c'est la première fois que je testais à Arbre. J'avoue que j'ai moi-même pas été très content de ce que ça avait donné. En fait, le souci que j'ai dans ce jeu, et que je sais encore pas comment régler, c'est gérer l'écoulement du temps, et aussi gérer le temps de parole entre joueurs, quoi. Et le combo MJ qui parle et qui se fait couper par le joueur, combo avec le tour par tour, c'était une solution, mais je suis pas certain que ce soit la meilleure, en fait. J'avoue que je suis un petit peu... Je suis très emmerdé, en fait. J'ai testé aussi des choses beaucoup plus relâchées, beaucoup plus traditionnelles, et ça marchait pas non plus, c'était pas évident, quoi. Une idée comme ça, mais vraiment qui me vient à l'esprit, ça pourrait être le rôle de Goupil de défendre le temps de parole de son ami. Le pire, c'est que c'est écrit dans le guide du joueur et il y avait tellement de choses pendant le débriefing que j'en ai pas. Oui, pas c'est vrai, remis. C'est vrai. C'est vrai que le Goupil, en fait, son rôle, notamment, c'est de demander. De demander au MJ ce que fait son ami, quoi. Mais je pense que à mon avis, je vais laisser tomber déjà le principe du. Parce que j'ai quand même testé sur un certain nombre de parties. Le principe du MJ qui parle tout le temps, je trouve pas ça bon. Je pense qu'il faut faire la différence entre les tablettes concrètes et les tablettes virtuelles. Parce que sur Hangout, surtout quand il n'y a pas de caméra. On a tendance à surtout maintenant c'est très cacophonie et très vite ça nous rend un peu frileux et j'ai senti des moments où on guettait, on n'osait pas prendre la parole parce qu'on attendait à ce qu'un autre le fasse. Il y a eu des petits moments comme ça où il y a un ange qui est passé. Ouais, mais ça arrive aussi en pété sur table en fait. D'accord. Et peut-être que si t'avais laissé plus de blanc, on aurait peut-être plus discuté aussi entre nous ce qu'on a peu fait finalement. La tchoufa, n'est-ce pas? Pardon? Non, c'est un clin d'œil au sujet des discussions entre personnages qui sont limite stériles, qui vont renforcer l'ambiance, mais qui font peut-être pas forcément avancer l'intrigue. Ah ouais, mais dans un jeu comme celui-ci, je pense que si, je pense que ce serait intéressant, et c'est bien vrai sûr. Que là, la forme actuelle ne le favorise pas du tout, hein, comme de Peggy, tu l'as bien remarqué. Ouais. Il y a peu de dialogue de Goupil à joueur, mais de personnage à personnage, c'est faible, c'est pas très construit, quoi. Mais je pense que nos personnages n'étaient pas très propices à avoir de longues conversations entre eux. C'est ça. Je pense que c'est plus une question d'initiative. Le roleplay, pas forcément non plus des conversations, mais... Des interactions, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé le petit trip de Belette et mon perso avec les fourmis. Sur les fourmis, ouais. Ils se sont pas forcément parlé, mais il s'est passé quelque chose, quoi. C'est vrai. Ouais, clairement, c'est pas... C'est vraiment encore, je pense, à mon avis, le gros point faible du jeu, sur le truc sur lequel il faut encore que je bosse. Cette gestion cette gestion de la parole, simplement, quoi. Et effectivement, aussi de comment, je sais plus qui a fait remarquer, et c'était assez vrai que les personnages étaient dans la réaction et pas dans l'action, quoi. C'était pas terrible. Moi je m'étais fait la remarque aussi, notamment que c'est pas forcément toujours très clair. Tu dis que quand j'avais testé le jeu, j'avais pas testé le système de résolution, mais en fait il y en a quand même un dans la mesure où je crois que la base que tu m'as filée, ouais. À la base explique que normalement on peut réussir une action quand on justifie en révélant un post-it en rapport avec cette action. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et je trouve que peut-être, enfin, au cours de cette partie, je sais pas si c'est encore très clair dans toi dans ce que tu envisages, mais c'est quand est-ce exactement qu'on révèle une carte, en fait, et quel effet ça a. Je pense que c'est encore un peu trouble à ce niveau, et enfin, si c'était plus clair, ça aiderait peut-être, et ça éviterait peut-être certains pédalages, en tout cas de mon côté. Je me dis que peut-être, je pense à un truc, c'est que pouvoir tout simplement dire, bah écoute, voilà, tu veux faire tel truc, j'annonce qu'il y aura un prix à payer, et que effectivement, si le joueur, surtout qu'il y a eu des suggestions qui ont été faites dans ce sens pendant la partie, si le joueur dit bah non, je vais dévoiler telle feuille, ce qui me permet de ne pas payer le prix. Mmh. Bah de toute façon en disant bah oui mais non regarde je suis athlétique, je peux faire ça. Peut-être tout simplement ça mettrait, je sais pas si ça se rapproche de ce que tu pensais. Oui par exemple, mais que ce soit clair quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est une sorte d'as de pique, quoi. Sauf que c'est à la différence de l'as de pique. L'as de pique, c'est un couteau suisse, il sert dans n'importe quelle situation. Le fait de dévoiler un post-it, Bon, évidemment, il faut quand même que ton post-it y soit approprié, quoi. Donc, si tu utilises cette mécanique-là, ça veut dire que, en gros, la feuille, elle sert deux fois. Une fois quand tu la révèles, une fois Ouais. quand tu la sacrifies et que tu la perds. Alors, pour tout ce qui est matériel, etc., ça va. Pour les relations, ça peut aller aussi si on peut créer des nouvelles relations facilement, mais pour ce qui est des choses plus traits de caractère, etc., ça risque d'être un peu. Au bout de 3-4 parties, on risque de se retrouver avec des personnages qui n'ont plus que du matériel et un peu de relations et plus grand-chose en personnalité dans leur feuille. Je sais pas, hein, à tester, mais. Après, là où je dois encore travailler, c'est sur comment on renouvelle les feuilles, en fait. Peut-être aussi dire, ce qui peut être pas mal aussi, c'est pour remplacer l'as de pique, c'est quand que le personnage révèle une nouvelle nuance, quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu as utilisé une fois ta colère, entre guillemets, pour ne pas payer un prix, et tu dis une deuxième fois, mais en fait, en disant que là, tu retiens ta colère, tu vois, tu essaies de rester calme pour ne pas payer un prix, je sais pas, lors d'une négociation, par exemple, quoi. Ou les feuilles, enfin certaines en tout cas, pourraient être restaurées entre deux séances. Ouais, en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le principe de... Parce que jusqu'à présent, le post-it, j'utilisais que pour dire révéler, pas révéler. Mais en fait, je pense qu'on peut l'utiliser comme engager, pas engager. Oui, c'est ce que j'imaginais. On peut le révéler en effet de surprise pour contrer le MJ, mais on peut l'invoquer de manière générale. Enfin, moi, c'est comme ça que je le faisais jouer. Ouais, mais en fait... Dans ce que dit Philippe, ce qui est intéressant, c'est de se dire quand tu révèles la chose ou quand tu l'engages, je sais pas comment. D'une certaine façon, je pense qu'il faudrait avoir un principe d'engager quoi. T'engages une fois, ça te permet de pas payer un prix. Ouais, faut que je revoie. Faut pas que ce soit trop De ce côté, mécanique, mais on a une vingtaine de post-it, si on peut à chaque fois ne pas ouais. Après, payer, ça fait trop de beaucoup. jokers, quoi. C'est fort compliqué. Oui, pas évident. Moi, il y avait encore une chose par rapport à la partie ici. Ouais. Les dernières scènes, je vais reprendre en beaucoup plus modéré quelque chose que Romaric a dit dans le podcast. Garage, je crois, hein, sur Arp, où il s'est pas mal plaint de ne pas avoir le choix pour son personnage. En fait, sur les derniers choix que tu as proposés, qui sont des choix, je veux dire, de films d'horreur, on avait le choix, je vais dire, d'aller à la cave ou de pas aller à la cave. Alors, c'est un choix qui, au niveau du personnage, n'est pas très informé, parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans la cave. Et c'est un choix au niveau du joueur qui est, ben, je mets mon personnage dans la merde et je joue, ou j'évite la merde, je sauve mon personnage, mais je vais sans doute pas faire grand-chose jusqu'à ce que la merde me rattrape. Et une fois qu'on est dans la mouise, on n'a pas de choix. J'aurais bien aimé trouver là un choix difficile à faire, un sacrifice à faire, quelque chose, le choix entre deux sacrifices, bon, qu'est-ce que je perds? Il m'a manqué un Ouais, petit par quelque chose de exemple, ce oui, côté-là. quand je demande à là où je te rejoins, c'est par exemple quand je demande à petit descend retrouver ouais retrouver Croutel, c'est vrai qu'effectivement si Fabrice il avait voulu jouer pour la gagne, c'est clair qu'il serait pas descendu parce qu'il savait bien que qu'il allait rien se passer de bon, enfin Oui, j'ai même été chercher le truc. ouais. Mais Thomas, si on avait joué en campagne, tu l'aurais joué pareil? Parce que moi, j'ai eu aussi l'impression que là, tu nous faisais terminer un peu la séance un peu en apothéose, parce qu'on savait que c'était un one shot. Mais est-ce que tu l'aurais fait pareil en campagne? Bah, je pense que j'aurais fait pareil parce que vous avez voté pour Cauchemar. Tout à fait. D'accord. Mais tu vois, je trouve qu'on aurait On aurait été un peu moins spectateur et un peu plus impliqué dans l'action si on avait vraiment dû choisir entre bon, je perds mon bras gauche ou je perds mon bras droit, quoi. Le choix qui tue. Quel non, mais avoir un choix cornélien à faire ou quelque chose du genre. Ouais, c'est en effet. Parce que c'est vrai que dans le cadre d'une campagne, ça peut avoir un côté un peu plus frustrant, quoi. Là, moi, j'ai pas ressenti parce que c'était. Moi, je l'ai joué comme un one-shot, mais. Qu'est-ce que tu évoques? Parce que j'ai l'impression que vous parlez pas de la même chose, en fait. Que par exemple, ton personnage ou celui d'Arjuna, ils ont pas tellement eu le choix, en fait, que de basculer. Et si on avait en campagne, tu aurais déploré d'être dans une telle mésaventure, entre guillemets? Moi, si ça avait été mon perso et qu'on me laisse pas le choix, t'as plus l'impression d'être pris un peu en otage, ouais. Enfin, je pense que lui. Enfin, après, c'est vrai que je sais pas comment Arjuna l'a vécu. Bon, moi, après, j'ai provoqué hein, la scène horrible, hein, donc je peux difficilement parler pour moi. Bah, disons que moi aussi, un peu, toi, j'ai parlé du truc de blanc pile au moment où c'était. Ouais. C'était une perche, quoi, pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, bah, du coup, on se retrouve là-dessus. Il y a des fois où justement tu as envie. Finalement, vous avez viré en cauchemar parce que vous l'avez voulu. Ah oui, complètement. Il y a des, bah, après, Milvaux, c'est vraiment un univers très gritty. Donc là, il y a des moments où tu as délibérément envie de mettre un coup de volant dans le bas-côté pour voir ce qui va se passer, quoi. Mais après, c'est vrai que là où il y a eu. En fait, ce qui m'emmerde aussi dans mon système actuel, c'est que. Là, tu vois, Fabrice, quand il est avec l'aubergiste, je sais plus, avec, je lui dis, ben, tu peux, si tu veux en savoir plus sur ton passé, tu peux, voilà, tu peux, comment tu peux entre guillemets, tu peux coucher avec elle, mais le prix à payer, ce sera un blanc. Et en fait, Fabrice, je pense qu'à ce moment-là, il sait que s'il paye pas le prix, il va juste rien se passer. Donc en fait, il a le choix entre juste un non-événement, quoi. Et puis un événement avec du risque, mais au moins il se passe quelque chose. Donc quelque part, c'est vrai que c'est pas, il y a plus intéressant comme choix, quoi. Bien sûr. Il y aurait matière de proposer quelque chose de plus intéressant. Mais bon, c'est lié complètement à la structure du système de résolution. Donc savoir si je maintiens le système de résolution, mais que je le patche pour qu'il y ait justement des choix mortels, c'est assez compliqué. Je sais pas. L'idée, ça serait d'avoir des échecs intéressants. Ouais. Bah, les échecs sont intéressants si tu prends l'as de pique, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui fait que les joueurs sont pas tentés de prendre l'as de pique. Et faut que je trouve pourquoi et comment inverser ça, quoi. Pour ce soir, j'avais oublié son existence. Parce que pour une Florenza, je m'en suis pas privé, mais. Mais il y a un phénomène psychologique qui est la version du risque. Hein. Quand tu demandes aux gens, quand tu mesures l'effet sur les gens de perdre 10 dollars ou de gagner 10 dollars, perdre 10 dollars c'est beaucoup plus grave que gagner 10 dollars n'est heureux. Donc il faut contrebalancer ça. Peut-être que plutôt que d'avoir à chaque fois le choix d'un prix à payer, se retrouver plus dans des situations de vrais dilemmes. Ça, bah, c'est aussi ce que je voulais y revenir sur le sujet, parce que Phil l'a nommé précédemment, le fait qu'il espérait avoir un dilemme moral plus fort à la fin de la partie. J'ai envie de dire, ce genre de choses, ça vient peut-être plus avec le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment construire des choses, laisser la tension devenir tendue comme une corde de piano. Et plus tard, au bout de quelques sessions, tu finis par arriver à ce moment-là où tu... T'as moyen de faire tomber le couperet et demander aux joueurs de faire le choix impossible de choisir entre sa mère et son fils, quoi. Ouais, mais après, si je voulais prendre la défense de Philippe, Le fait de d'écrire un jeu pour la campagne ne doit pas, comment on doit pas excuser entre guillemets des faiblesses en disant mais oui mais tu comprends, au bout de 5 ou 6 séances les choses sont vraiment puissantes. Après au bout d'un moment je pense qu'une campagne qui dure une dizaine de séances, la réussite de la partie elle tient quasiment plus aux joueurs qu'au système. Donc c'est le fait de designer pour la campagne ne doit pas priver l'auteur de l'envie de faire un système quoi, qui fonctionne assez rapidement quoi, dès la première séance quoi. Dans un monde idéal, hein. C'est un très bel idéal en Bah pratique. ouais, bon voilà, après donc j'essaye de j'aime bien me fixer des idéaux, après et effectivement on les confronte à la dure réalité Mais Thomas, tu sais ce qu'il te reste à faire? mais Mais il faudra que je fasse un test aussi parce que là le problème c'est que le choix qu'il y avait c'était soit tu prends le risque, soit tu prends le forfait, c'est-à-dire qu'en fait il se passe rien, on redéfinit ce que tu veux, enfin voilà, c'est le personnage renonce à ce qu'il voulait, ou soit tu prends l'as de pique et faut que je vois si je peux pas essayer quelque chose de plus radical. Dans le sens où c'est soit risque, soit as de pique. Je peux au moins le tester sur un one shot, voir si c'est too much ou pas, quoi. Je Soit sais pas risque, soit as de pique, à savoir jamais obtenir ce que tu espères, mais devoir sacrifier quelque chose ou. trop. Soit risque, autant pour moi, soit le prix, soit l'as de pique, quoi. Ne pas avoir de sortie de secours, quoi. D'accord. Mais ici, je pense que tout le monde a toujours pris le risque. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on n'a juste pas été assez méchant. Après, moi, j'ai envie de poser une question piège. Enfin, c'est peut-être dû à ma perception du jeu de rôle où j'aime bien que mes personnages souffrent, j'aime bien qu'ils en chient, j'aime bien M'étonne. qu'ils vont au fond du trou. C'est que, je veux dire, est-ce que c'est pas justement ce qu'on recherche à Arbre? C'est de voir nos personnages en baver et du coup, on accepte le risque à chaque fois parce que c'est le Certainement, plaisir qu'on oui, tout à cherche. fait, tout à fait. Moi, Voilà. j'étais dans cette optique-là. Et alors, peut-être qu'un aspect négatif, ce serait pas forcément que le personnage chute, ce serait, je sais pas, peut-être autre chose. Non, ou C'est une alors très bonne question. qu'il chute pas de la manière dont on veut, tu vois. Ou je sais pas. Enfin, si tu voulais vraiment un impact ludique, entre guillemets. Après, je sais pas, faut voir sur plusieurs tables après voir ce que cherchent les joueurs. Je connais plein de joueurs qui aiment pas qui veulent prendre que des avantages pour leur personnage, alors que moi je prends que des inconvénients depuis que je fais du jeu de rôle. Après, j'essaie de. Il est clair que le jeu tourne mieux avec des joueurs qui effectivement aiment bien faire souffrir leur personnage. Encore que le mec il joue que pour faire souffrir son perso. Ben je sais pas si s'amuse tant que ça en fait. Bon, le mien n'a pas souffert, hein. Il y a un juste milieu. C'est sûr qu'après. Ouais, voilà. Et puis, en fait, c'est pas ça. C'est que pour moi, un bon jeu ne va pas donner au joueur exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire dans le sens, si tu trouves dans le jeu exactement ce que tu recherches, eh ben, il y a plus d'imprévu en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait de l'imprévu. C'est effectivement si tu dis ouais, moi je veux faire souffrir mon perso, que tu t'es imaginé une trajectoire exacte et que tout se passe comme tu l'as planifié, eh bien c'est pas intéressant. Faut qu'il y ait un peu des deux. Ouais, il faut qu'il y ait une J'ai. résistance. C'est comme quand Voilà. on cherchait des trucs sur nos mémoires, tu nous as donné des petits bouts de trucs à chaque fois, juste pour qu'on bataille. De nouveau, une idée qui me vient comme ça sur l'instant, donc vraiment examiner avec précaution. On n'a pas eu d'espoir pour nos personnages. On sait dès le départ en tant que joueur qu'ils sont condamnés, qu'ils vont en chier, mais. On n'a jamais eu dans le jeu un moment où on se dit ah ben il va se passer ça de bien et puis tac on l'a pas et c'est peut-être ça justement qui permet de ménager c'est l'espoir qui va permettre vraiment d'être déçu à un moment donné d'être privé de quelque chose qu'on pensait qu'on pouvait avoir. Ouais, c'est à méditer. Ah ouais, je trouve que ça peut être. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce qui a été évoqué, le fait que bon bah tu cherches ton personnage en bave le plus possible, et finalement même ça tu pourrais ne pas l'obtenir. C'est ça m'est arrivé qu'une seule fois. C'était une partie de Monster Hearts où je jouais un fumier, où il était clair que le karma devait m'attraper. Et en fait, les dés ont fait que mon personnage s'en est sorti, alors que même moi, je pensais qu'il devait finir cloué au pilori. Ouais, C'était la partie qu'on a fait ensemble au lycée japonais. Exactement. Ouais. Ah merde, ah ben je vis. Oh bah ok. Allez, ciao bande de bâtards. C'était vraiment ça. Et ça laissait une sorte d'amertume un peu étrange qui était pas désagréable non plus. Hein. J'étais genre, bah, le méchant s'en sort finalement. Ça l'arrive des fois. Ok, bah écoutez les gars et les filles, il est super tard, je propose qu'on en arrête là, ça me fait déjà beaucoup de grains à moudre. J'espère surtout que vous avez passé un beau moment, au moins autant que moi. Et puis je vous dis à tous à une prochaine. Ah oui, moi j'attends de rejouer. Bah, on verra si on peut refaire ça, c'est pas évident pour moi de donner suite à ces tests de arbre, j'ai plutôt tendance à refaire des... Mais bon, il faut pas jamais dire fontaine. Ça y est, elle a coûté à 1 000 veaux. C'est fini. C'est foutu. Allez, salut tout le monde. Merci À beaucoup, toutes. Thomas. Salut Au Thomas. revoir, merci. Ciao.